girafe, c'est girafe, c'est girafe. Moi de corps, moi de corps, moi de corps. J'ai tout fait péter, fait péter. C'est girafe, c'est moi de corps. J'ai tout fait péter, fait péter. Appuie sur rec, ça kick, c'est ici mec. Sur cet instru rican, j'pose pour la mixtape. Et vu qu'elle est loin d'être vilaine, ça va faire hocher les têtes. C'est seul au mic, ouais ça peut être normal. Vu l'ambiance générale, on peut plus rester marre. De toute façon donc on prend le mic pour contester les agissements de l'état. Pour conseiller parfois, et d'autres juste pour délirer. Sérieux ou pas, on vient tout déchirer. Tout jeune, on m'a fait avaler les salades. Et j'ai mal digéré, alors au lieu d'être malade, bah j'ai rédigé des textes pas trop mal qui résument tout ce que j'ai pu piger dans ma petite life. Et vu que j'ai 22 piges, j'ai pas tout compris, mais pas fini de balancer des bastons, toujours plus grosses. Ok, c'est pour Mino, c'est pour la sauce d'MPC. C'est Zera, c'est en mode corps, j'ai tout fait péter.